l'éducation de nos anciens. Pour la fierté de notre identité, même si on est en chien. Ça reste notre attitude, même si ça tienne. Mec, te mêle pas, chaque réaction causée par l'effet qu'on traverse. Ça reste notre attitude, quand tu fais ton colocataire. Pas loin du shit, la pierre, putain de vie comme adversaire. Ça reste notre attitude, même si ça tienne. Mec, te mêle pas, mec, te mêle pas. Chercher la vie d'un chapeau melon et tombe dans l'aventure en casque lourd. Toi avancer avec la ruse à pas de loup. La France un peu trop babelou. La paranoïa mieux que le naïf cherche pas à me changer. Qu'on ne se passe de nous. Le shit caché sexe dans nos vies comme une revue dans un kiosque. Chien de guerre et l'ox unis lorsque les couilles tombent et la foule ou gronde pour ou contre mon caractère. Et franchement j'en ai rien à foutre l'ordre. Chasse au mois de barre pour décompresser le stress. Cherche les cesses que je mette mon coup de pelle dans cette mine d'or. Venu des terres des hommes au pin fort. Sans ristourne, son traverse me met avec moi-même en discord. Ex écho avec les actes que j'exerce dans mes textes. Écrit parfois perplexe, une rage excessive, où est le défaut? Si on tape à ta porte, on voit une qui baisse comme Tabata. On se l'accapare fort, blague à part. Ça reste notre attitude, notre chapator. Plutôt self-défense qu'attaquant. Bon ensemble, le bien-être, dis à quand. Pour certains c'est un but et pour d'autres naturel. Pour tous qui ont eu les portes closes et pas de tunnel. Quant à moi, ils me laissent distant. Merdis, plan, qu'insistant. Depuis tout petit dedans, donc on est résistant. Ça reste notre attitude, même si ça tient. Mec, te mêle pas, ça reste notre attitude, juste des actes parables. Ça reste notre attitude, par l'éducation de nos anciens. Pour la fierté de notre identité, même si on est en chien. Ça reste notre attitude, même si ça tienne. Mec, te mêle pas, chaque réaction causée par l'effet qu'on traverse. Ça reste notre attitude, quand tu fais ton colocataire. Pas loin du shit, la pierre, putain de vie comme adversaire. Ça reste notre attitude, même si ça tienne. Mec, te mêle pas, mec, te mêle pas. Celui que tu retrouves ivre en vrac sur le plancher. Question de mauvaises habitudes comme retrouver me noter dans une 19. J'emmerde celui qui est gouvernement. Moi j'ai pas le comportement d'un gars élevé dans un couvent. Ma vie c'est pas le top mais ça me convient. Je m'empêche, fume avec le feu de vivre jusqu'au lendemain. Y'a les rues, y'a pas de cowboy. Quand les armes se pointent, y'a plus que des cobayes. Compris, on mène nos sales vies, on mise sur nos sales vies. C'est sale prix, le sale prix à payer. Tous en vie d'un paradis. Le rap pourra peut-être pas me l'offrir. J'suis perdu, on me dit petit. L'important c'est d'avancer. Nous où aller si le diable est le guide. On boit, on dit, les skills, les flics. Nos mères se font de la bile, c'est du kit ou double, double kit. M'en mêle les peines sur le pétard, me shoot, écoute. Le doute s'installe dans mon esprit. Sprint vers la ligne d'arrivée, qu'importe les obstacles qu'il faudra affronter. Mais jamais je trahirai ma musique pour réussir, c'est bien ok. Ça reste mon attitude, qu'importe ce que tu pourras en juger. Ça reste notre attitude, par l'éducation de nos anciens. Pour la fierté de notre identité, même si on est en chien. Ça reste notre attitude, même si ça tienne. Mec, te mêle pas, chaque réaction causée par l'effet qu'on traverse. Ça reste notre attitude, quand tu fais ton colocataire. Pas loin du shit, la pierre, putain de vie comme adversaire. Ça reste notre attitude, même si ça tienne. Mec, te mêle pas, mec, te mêle pas. Comme d'habitude, tu rap cru, altitude maximum, carré rouge, institut, accord, rime, flingue, danse dessus. Insinue, on baisse dessus. Même si nu, on se pose, rentre en forêt, chaîne, guerre alliée. Faut que le swing revienne vite, sacré trop duc. Puisque le plaisir n'est plus au foireux, on se laisse la colère. Lance un speed, score, cayenne, carbure, caféine, mon caractère. Le sale gars reste la même, même si je suis un chien, alcornard, les chiens de soirée agonise. Mec, coaches, alcool aux police. Carrington, Black Style, Sauzé, allume un blunt. Le tard au point, les flics au coin, pistolet loin, V1 client, tous pleins. Rien à foutre, red tie, c'est le plan force sans souci. Comment est ma clique, pèse, soit ton faux style, gros deal, faux deal. Comment est ma clique, soit salé, OG, des faux faux, faux faux. Ça reste notre attitude, par l'éducation de nos anciens. Pour la fierté de notre identité, même si on est en chien. Ça reste notre attitude, même si ça tienne. Mec, te mêle pas, chaque réaction causée par l'effet qu'on traverse. Ça reste notre attitude, quand tu mets ton colocataire. Pas loin du shit, la pierre, putain de vie comme adversaire. Ça reste notre attitude, même si ça tienne. Mec, te mêle pas, mec, te mêle pas.